Turn up your sound louder. Qui, ton son c'est trop bas. Mets plus le volume. Parce que quand je joue, je coûte pas. Tu étais moins 30, il faut être comme moins environ moins 20, moins 10. Continue à jouer. I'll tell you. Okay, ça c'est correct comme ça. Ça c'est bon. Quand tu et le plus fort, c'était comme environ moins 14 dB. Tu veux pas être en bas de moins 12, comme moins 10, ça c'est trop fort. So, environ moins 20, moins 12. Comme mon guitare là, et quand je parle aussi, c'est environ la même chose. Ouais, ça c'est bon comme ça. Et si tu utilises ton mic, parler, dis quelque chose, tu peux peut-être monter ça. Ça dépend. Good. Plus le volume sur ton voix. Tu étais moins 30 avec le voix, c'est trop bas. Encore plus. Plus le volume sur ton micro. Que la Killed us in our teepees. Baby, what's going on? I want you and I love you. Won't you be mine?